Printemps. Ouf, le dernier carton est rentré. Tous les meubles y sont. Il n'y a plus qu'à les remonter. C'est le gros module à dossier suspendu pesant 1 tonne qui a été le plus difficile à caser dans le bureau. Vincent a emprunté la camionnette de son travail pour transporter les meubles. La maison, sur 3 étages, comprend une immense cuisine jouxtant la pièce à vivre, agrémentée d'une cheminée. Le plain-pied débouche sur un jardin privatif, duquel ils ont une jolie vue sur les champs, un verger et une forêt au loin. Premier étage, Faustine et Gilles disposent d'une grande chambre à coucher, d'une salle de bain et de 2 petites chambres. L'une d'elles accueillera le bébé, l'autre servira de bureau. Stéphane et Vincent occupent le 2e étage. Leurs chambres sont en vis-à-vis, séparées par une douche WC. L'ensemble spacieux et pratique respecte l'intimité de chacun. Vincent a payé cher sa participation au déménagement. Quelques jours plus tard, il rentre à la maison en fin de matinée. Faustine est là, en train de ranger le contenu de quelques cartons. À la tête qu'il fait, elle sent tout de suite que quelque chose va mal, très mal. « Bonjour toi, qu'est-ce qui t'arrive ?»« J'ai un problème de dos. Je suis restée coincée en haut d'un arbre avec une tronçonneuse. Pourquoi ?»« Parce que mon dos s'est bloqué. » Ben dis donc, comment tu t'en es sorti? Je m'étais encordée sous les épaules, heureusement. J'ai réussi à faire descendre la tronçonneuse dans un premier temps. Ensuite, j'ai suivi, centimètre par centimètre. C'est Hassan qui m'a aidée. Le Youg, auquel ton patron refuse de fournir un équipement de sécurité parce que c'est trop cher, c'est cela même. C'est incroyable que chaque fois qu'il y a un travail dangereux à faire, il te dit d'envoyer Hassan. Sans harnais, c'est criminel. Les immigrés baltes sont tout autant maltraités que les Italiens autrefois. Et les Espagnols, et les Portugais, et j'en passe. Le pire, c'est qu'il ne refuse jamais d'y aller, lui. Malgré tout, c'est là qu'il faudrait prévenir l'inspection du travail. Sauf que si tu le fais, tu perds ton boulot. Et si ça se sait dans le milieu, je n'en trouverai plus, sans compter que ça ne changera rien pour les autres. C'est tellement injuste et dégueulasse. On n'est que des esclaves pour ces gens-là. Ouais. En plus, Hassan se fait construire une maison pour ses vieux jours dans son pays. Il a l'empreinte sur le dos. Tout son fric y passe. Il ne peut pas se permettre de perdre son emploi, ce dont son employeur profite cyniquement. Quand tu penses que le pauvre bougre vit avec sa femme et leurs 2 bébés dans un studio insalubre à la place du tunnel, tu vois où c'est ? Là où c'est tout sombre. Brrr, j'aimerais pas avoir des enfants dans ces trous-là. Quelle horreur. Tu l'as dit. Le midi, quand je le vois manger sa petite crêpe, ça me fait mal au cœur pour lui. Je veux bien le croire, surtout avec les travaux de force que vous faites. C'est pour ça que tu lui offres une assiette chaque fois que tu peux. Entre autres, je l'ai aussi accompagné dans les bureaux de l'administration pour qu'il obtienne les subsides auxquels il a droit. T'es un chic type. Tu vas faire quoi maintenant? Maintenant que j'arrive de nouveau à marcher, je vais aller chez mon toubib pour qu'il me mette à l'arrêt 2 ou 3 jours. J'ai besoin de papier pour le boulot. Sage décision, tu veux que je te conduise? Non, non, ça va aller, merci. À tout de suite. Quelques heures plus tard, le jeune homme revient. Voilà, c'est fait. J'ai le document. Il m'a dit que c'est moche, mon dos. On dirait une énorme boursouflure. Mon pauvre, va te reposer, je t'apporterai ton repas. Non, non, non, je préfère manger à table, ça m'oblige à bouger un peu. Les 3 jours suivants, Vincent cherche toutes les solutions qui lui permettent de mieux récupérer. Un lit plus dur, peut-être, en mettant une planche dessous, ou plus mou? Rien ne l'aide. Il n'arrive plus à se lever, ou alors au prix d'efforts titanesques. Il a l'impression que sa colonne vertébrale cumule les hernies discales. Faustine le convainc de se reposer. Elle essaye de le chouchouter un peu, en tout bien tout honneur, sans s'attirer les foudres de Gilles, qui n'apprécie pas trop qu'un autre soit plus à plaindre que lui. Afin d'éloigner sa femme, il décide de l'emmener faire du shopping. Il a vu que les berceaux étaient en promotion. Et si on allait acheter celui du lit? Après beaucoup de questionnements, le couple opte pour un ensemble lit et table allongée coordonnée. Le berceau est à l'ancienne avec un voilage et des pieds à bascule. C'est un plaisir immense que de commencer à remplir les tiroirs, des mille et une petites choses indispensables, ou pas, au nourrisson. Ils n'ont pas les moyens de faire beaucoup plus que d'acheter des langes en tissu, de minuscules maillots de corps et un ou deux pyjamas. Mais après tout, la petite aura la chance de naître en juillet, il fera déjà bien chaud. Au bureau, par contre, on ne voit pas d'un très bon œil ce vôtre qui grossit. Les travaux qu'on confiait à la future maman sont toujours plus assommants. Les remarques acerbes se multiplient. Simultanément, Faustine vient d'apprendre qu'elle n'aura droit à aucune indemnité pour son accouchement de la part de ses employeurs, car cela ne fait pas 3 ans qu'elle travaille dans la société. C'est la responsable de sa protection juridique qui le lui a dit. Elle s'en plaint une fois encore auprès de Vincent. Ça m'écœure que la loi soit toujours du côté des riches. Normal, ce sont eux qui la font. En même temps, c'est pas toi qui payes la plus grosse cotisation, si? Mets-toi à leur place. Ce n'est pas rien de perdre un bon client. Certains jours, je n'apprécie pas ton humour, tu sais. Et si tu démissionnais, c'est tout ce qu'ils attendent. Je sais que c'est ce qu'ils veulent, mais je n'en ai pas les moyens. Gilles a dû accepter un salaire inférieur chez Baudot puisqu'il ne pouvait amener de fonds propres. Sans le mien, on ne tournerait pas avec les 2 voitures et le bateau. Mon très cher mari vient en outre de m'acheter une voiture neuve, alors que je ne lui avais rien demandé. Résultat, un gros leasing en plus du loyer. Mais même sans tout ça, si c'est moi qui démissionne, le chômage me pénalisera d'une bonne semaine de salaire. Je t'ai déjà dit que je peux t'aider pour ça. La conversation est interrompue par l'arrivée de Stéphane, puis celle de Gilles. Faustine décide de voir si elle peut prendre quelques jours. Sûrement que sa gynéco va lui accorder cela. Le lendemain, Stéphane la conduit chez sa doctoresse chérie qui lui accorde, non sans trouver qu'elle fait beaucoup de cas pour peu de choses, un arrêt maladie de 15 jours. Ce congé lui sera déduit de ceux auxquels elle aura droit cette année. Son congé maternité sera raccourci d'autant. Faustine est déçue. Jamais elle n'aurait imaginé avoir affaire à une telle puriste. Pendant ces 15 jours, néanmoins, la future maman prend le temps de se reposer puis d'arranger sa maison. Après ces 3 jours de pause, Vincent est retourné travailler. Mais il souffre le martyre. Il a demandé à changer d'équipe car il doit éviter les travaux de force. On l'a transféré à la jardinerie. Ce n'est pas mieux, il doit tout de même déplacer de lourds containers. Il tient le coup 3 semaines avant d'être définitivement mis à l'arrêt. Lorsqu'il le revoit, le docteur Piton ne fait aucun commentaire. Il initie simplement une demande de rente d'invalidité. Il prescrit également des séances de physiothérapie qui, hélas, ne feront qu'aggraver les inflammations. Après quoi, ce sera la valse des médicaments à n'en plus finir. Le pauvre garçon n'a pas fini d'en voir. En plus, il déteste parler de sa santé et se plaindre de ses bobos. Il a pris l'habitude de tout prendre sur lui. Lorsqu'il était enfant, sa mère, institutrice divorcée, ne pouvait pas se permettre d'absentéisme pour s'occuper de lui. Elle paniquait tellement quand il était malade qu'elle l'envoyait à l'école même avec de la fièvre. Il a eu bien d'autres soucis de santé encore, petit garçon puis adolescent, et aucun n'a jamais été pris en compte. On trace la route, on ne s'écoute pas, point barre. Stéphane, lui, a plus de chance. Il travaille dehors du matin au soir, dans les plantations ou les serres de l'ami alcoolique anonyme qu'il a engagé. Il adore cela, bien que ce ne soit qu'un moment de transition. Il espère trouver quelque chose dans le domaine de la musique, dès que possible. Il est stabilisé et vit dans une maison qui peut accueillir ses enfants. Grâce aux 2 lits d'appoint dans la chambre de Julie, il récupère ses filles le plus souvent possible. Pas encore à 100% puisque sa priorité est de trouver du boulot, mais assez souvent quand même. Étant donné qu'on n'a toujours aucune nouvelle de la maman des petites, il semble quasi certain que l'autorité parentale lui échouera. Son assistante sociale travaille à lui trouver un logement subventionné au travers du fonds cantonal pour la famille. Il faut juste patienter quelques mois. Gilles, de son côté, se plaît de plus en plus chez Baudot. Il lui arrive de retrouver un semblant d'équilibre. Parfois, Faustine lui rend visite lorsqu'elle se promène à Lausanne. Elle avait pris un temps partiel pour avoir congé le lundi, en même temps que son mari. Et voilà qu'avec son nouveau boulot, il travaille 6 jours sur 7. Cela ne les empêche pas d'être fauchés en permanence, allez savoir pourquoi. Afin d'assainir leurs finances, ils convoquent leur assureur. Désormais, la maison de Crissier étant vendue, ils n'ont plus aucune raison de garder 2 assurances-vie et 50 autres ajouts inutiles et coûteux. Le courtier fait la gueule. Si ses yeux étaient des mitraillettes, Faustine ne donnerait pas cher de sa vie. Finalement, elle accepte, oh, comme elle fait bien, une assurance dentaire pour sa fille. Souscrite avant la naissance, on ne paye rien pendant les 3 premières années, puis une somme modeste jusqu'à la majorité de l'enfant. En ces temps d'orthodontie systématique et d'appareillage dispendieux, cela pourra éventuellement s'avérer judicieux. Faustine accepte également, du bout des lèvres, une assurance supplémentaire pour Julie, se disant qu'elle s'en débarrassera à la première occasion. Elle n'a pas très envie que le pauvre homme subisse un infarctus sur leur tapis, déjà qu'il semble au bord de l'apoplexie. C'est dur pour un assureur digne de ce nom de perdre la moitié d'un portefeuille d'un coup. Au bout d'un mois, chaque chose a retrouvé sa place dans la nouvelle maison. Les garçons ont bricolé leur chambre avec les moyens du bord. Stéphane a récupéré le vieux canapé-lit de maman. Quant à Vincent, il a posé son matelas par terre et ses livres sur les 2 étagères qu'il a pu récupérer de son ancien studio. Sous le Velux, il a planté sa table à dessiner pivotante, son seul vrai trésor. Il est désormais temps d'exploiter les environs. Chacun s'y emploie à sa manière. La maison du blé et du pain à Échallens est un endroit paradisiaque. Qu'on imagine, des boulangers travaillent devant vous à la confection de croissants, tresses, gâteaux, brioches et toutes sortes de pains. Rien que l'odeur, à 100 mètres à la ronde, est un attrape gourmand puissant. Vincent et Faustine se relaient pour fournir la maison. Stéphane et Gilles, tous 2 filiformes, apprécient également les plateaux de fromage que Faustine et Vincent rapportent de la ferme des Chalands. Il ne faut pas leur en promettre. Ce sont des estomacs sur pattes. Ils descendent en tout une bonne douzaine de fromages divers, roquefort, gruyère, tomme et autres chèvres, avec des pommes de terre en robe des champs. Le régal par excellence, même sans vin rouge. Entre Vincent, trop perclus de douleur pour conduire, et Faustine, dont la grossesse se précise, les 4 sortent un peu moins en séance et ont laissé tomber provisoirement les soirées spaghetti. Par contre, ils se font des sessions alcooliques anonymes privées à domicile. Tout naturellement, ils déposent leurs soucis matériels et spirituels sur la table. Cela évite pas mal de frustrations et donc éloigne les risques de rechute. À force de baigner dedans, ils s'imprègnent des principes AA et s'en servent au quotidien. Sauf Gilles, qui prétend avoir déjà tout compris. Et pour cause, sur les conseils de Monique, la future marraine de Julie qui trempe dans toutes les combines ésotériques possibles et imaginables, il rencontre un lecteur d'aura, dont le cabinet est situé à Échallens. L'homme les reçoit dans un environnement adapté, bougies partout, parfums d'encens, et leur fait une lecture de leurs auras respectives. Faustine n'a jamais compris comment il s'y est pris. Néanmoins, il en ressort que dans la hiérarchie spirituelle, de quoi ? Gilles serait le maître et Faustine l'élève. Cela n'est malheureusement pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et notre jeune homme, toujours aussi mégalomane, n'en rate désormais plus une pour manifester sa supériorité. Le jour où une énième remarque sarcastique exaspère Faustine plus que de coutume, elle lui jette sa part de tarte aux abricots sur la poitrine, au lieu de la poser dans son assiette. Elle avait commencé par viser la tête, comme dans les films de tarte à la crème, tant appréciés de ces messieurs, mais a préféré changer de trajectoire à la dernière seconde, se disant que l'humiliation publique devant Stéphane et Vincent serait trop violente. Gilles, effectivement, n'a pas osé la frapper devant témoin, mais c'est tout juste. Il est parti foudrage en hurlant « T'as de la chance de pas être un mec !»